marche. Je dirais que les exemples qui sont pris sont des exemples dans différentes villes françaises et européennes. Donc je vous laisse la parole et nous procéderons comme tout à l'heure. Le débat aura lieu après. Nous aurons 2 minutes, 3/4 d'heure de débat. Merci. Merci. Je ne connaissais pas les politiques techniques, mais je suis conseiller de plusieurs grandes villes depuis plusieurs années, et en fait je vais vous parler de, en vous montrant des images, je vais vous parler de comment, pour ce qui me concerne, n'ayant pas de formation d'urbaniste, mais étant devenu urbaniste sur le tas, comment peu à peu j'ai appris mon métier, qu'est-ce que j'en ressors à travers le prisme de la marche. Le prisme de la marche, c'est pas... La marche aujourd'hui n'est pas un mode suranné. On aurait pu croire, ça fait quelques dizaines d'années, que, et on le voyait dans les images, dans les films, l'avenir était à l'homme mécanisé, à des déplacements toujours mécanisés. Je me souviens d'une rencontre à Athènes où quelqu'un disait que l'espace public lui était de peu d'importance parce qu'il était spécialiste d'Internet et que c'était son espace public et que la ville ne lui importait peu et que l'espace lui importait peu. Je pense qu'au-delà de sa propre liberté, parfaitement légitime, aujourd'hui, l'espace, la marche, est un des usages, pas le seul, mais c'est un des usages des villes. On le voit pas simplement dans la balade, mais on le voit dans les lieux d'échange, dans les lieux d'échange de transport. On va toujours à l'école, on va toujours faire ses courses. On le voit le dimanche après-midi dans les parcs. La marche fait partie de la vie contemporaine et n'est pas un mode de vie suranné, un mode de vie d'un autre temps, du 19e ou d'avant. Je vais vous décrire... Donc j'ai pris cette entrée de la marche. En fait, elle correspond assez bien au travail auquel j'ai participé depuis une vingtaine d'années maintenant, puisque au fond, quelques images de comme ça, rapidement. Je ne commenterai pas les images. Le travailler sur la marche, c'est travailler sur le mode de production de la ville tel qu'il s'est fait, ou de non-production. Ici, c'est de la production d'autoroutes, production d'infrastructures, production de modes de déplacement en voiture. Donc, faire rentrer la marche là-dedans, comme faire rentrer le vélo probablement, j'en parlerai tout à l'heure sur Copenhague, faire rentrer la marche là-dedans, c'est mettre un coin à la fois dans des habitudes politiques, dans des habitudes économiques, dans des habitudes d'institution et même professionnelles. Je ferai référence à l'extraordinaire sophistication des savoirs en France, notamment sur les autoroutes, sur les déplacements automobiles, sur la signalétique, sur tout ce qui est l'usage de l'automobile dans les déplacements à la campagne et en ville, et la pauvreté des savoirs au sein de ceux qui ont le pouvoir de faire les villes, peut-être probablement beaucoup moins maintenant, mais la pauvreté, ça fait 15 ans, des savoirs sur la marche, sur le vélo, sur des modes, je ne suis pas bavard, hein. Simplement c'est un des modes légitimes de la vie en ville, que la marche, que le vélo, que la voiture, que le bus. Donc je voudrais quand même rappeler cette distorsion complète entre des grandes écoles, des ingénieurs très sophistiqués, très bons, de l'argent, les investissements mis sur les infrastructures dans les années 60, 70, 80 étaient énormes, la pauvreté des investissements sur la qualité de la vie, sur la marche, sur le vélo, sur toutes ces choses-là. On a peu, aujourd'hui je pense qu'on a d'une certaine façon gagné, parce que les investissements se sont transférés. C'est peut-être un peu technique ce que je raconte, mais c'est aussi très politique. Ça fait 25 ans, la plupart des investissements allaient sur l'équipement, et l'équipement c'était les grandes voiries, les autoroutes, les échangeurs, aller plus vite, mieux distribuer, avec les conséquences qu'on a vues. Aujourd'hui, l'essentiel des investissements ne va pas là, Il va sur la rénovation urbaine, sur une vie plutôt meilleure, sur la rénovation des quartiers difficiles, sur le développement des transports en commun, etc. Alors, ça n'est pas une vision idyllique, on pourrait parler de chiffres. Hein, mais, bon, comparons les investissements dans toutes les grandes villes, ça fait 20 ans, avec les investissements aujourd'hui. Quelques exemples sur Lyon. J'ai été conseiller d'un élu qui s'appelait Henri Chabert, j'ai été conseiller pour la politique d'espace public, et je travaille toujours avec Gilles Bunin, qui est le nouvel adjoint à l'urbanisme. Nous avons notamment, dans les années 90, travaillé sur, par exemple, le centre de la Presqu'île, travaillant sur les places, comme la place des Terreaux, réaménageant des grandes places, à cette occasion réorganisant les transports, réaménageant les rues, essayant de trouver de redonner à ces lieux qui étaient auparavant des lieux de stationnement ou des lieux de circulation, de leur redonner des usages urbains tels qu'on les définit aujourd'hui. Je ne voudrais pas avoir l'air ringard parce que vous avez tous l'impression que tout ça est normal. Ça fait 20 ans, ce n'était pas complètement normal. La rue de la République était complètement encombrée de bagnoles et de stationnements. Et peu à peu, on a appris comment l'espace urbain, le travail sur la marche, le travail sur le fait de redonner de la place aux piétons, aux marcheurs, à un usage non automobile de la ville, combien ce fait-là avait de conséquences en termes économiques. La Presqu'île, qui auparavant était en plein déclin, est redevenue un lieu de production, où le commerce fonctionne très bien à l'image de la Part-Dieu. Combien les conséquences pouvaient être sociales, j'y reviendrai tout à l'heure avec le phénomène de la gentrification, j'y reviendrai sur Saint-Denis, quelles peuvent être quelques-unes des clés, réaménager des quartiers comme cela, conduit dans la plupart des cas au fait que les personnes qui ont peu de moyens sont renvoyées plus loin. Donc j'y reviendrai tout à l'heure avec l'exemple de Saint-Denis. Les conséquences d'un travail sur l'espace urbain de cette nature sont aussi culturelles, avec, pour le coup, l'embellissement, je reprends le terme que monsieur utilisait tout à l'heure, sachant que pour moi, l'embellissement n'est qu'une des conséquences, mais les villes sont des lieux de vie et des lieux de fonctionnement, des lieux de production, d'urbanité, de richesse, de choses comme ça, et l'idée de ce travail n'est pas qu'un travail d'embellissement. L'embellissement n'est qu'une des conséquences. Une ville doit mieux fonctionner, elle doit être plus accessible, elle doit être la mise en réseau de ses valeurs doit être plus efficace, entre l'université, les écoles, c'est tout ça l'urbain, et ça n'est pas que l'embellissement. Excusez-moi si vous le savez déjà, mais bon, c'est un peu le jeu d'être à cette place-là, c'est de ne pas savoir ce que chacun a. Je ne sais pas ce que vous avez en tête, c'est sur quoi vous travaillez, mais du coup je vous dis ce que je fais moi. Et les conséquences sociales, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, mais conséquences sociales du travail sur l'espace urbain, je ferai référence à cette rue qui s'appelle la rue de la République. Et avant qu'on ne la réaménage, une étude avait été faite par une sociologue, Catherine Forêt, qui montrait que ce lieu était le lieu de socialisation des jeunes des banlieues. Et donc très important puisque c'était le lieu où il y avait rencontre entre toutes les parties de l'agglomération, banlieue, pas banlieue, un lieu de friction parfois, mais de connaissance, de toucher presque. Et c'est ce rôle-là que l'aménagement a souhaité conserver et non pas retrouver tel qu'avait été un projet dans les années 80, la rue impériale du début du XXe siècle. Lyon aujourd'hui, l'agglomération lyonnaise, ce n'est pas Lyon du début du XXe siècle. La réalité sociale, politique, urbaine n'est pas la même. Et l'aménagement s'est attaché à garder exactement les mêmes fonctions, tout en les améliorant, que celles qui existaient auparavant. D'où le rôle, je ne rentrerai pas dans le détail, mais de l'analyse, de la compréhension, de la sociologie, des usages, des tensions. Un espace, ce n'est pas une petite fleur, c'est pas qu'un lieu où on est bien, on s'assoit, on entend les oiseaux. C'est aussi un lieu de tension, c'est aussi un lieu d'usage, de négociation, de contradiction. Et j'y reviendrai un petit peu plus loin quand on parlera du vide. Ces contradictions-là doivent s'exprimer. Elles doivent pouvoir se faire. C'est ça la vie sociale, c'est ça la vie urbaine. Puis on a travaillé aussi, enfin en gros on a aménagé en 10 ans plus de 300 sites, donc on a travaillé aussi sur les banlieues. Je rentrerai pas dans le détail, mais ici le centre de Vaux-en-Velin, qui s'était ex-ZUP des années 60, dont le centre s'était vidé autour de deux grands centres commerciaux qui étaient partis, et avec un projet urbain, porté par notamment Bernard Paris, et puis les maîtres d'ouvrage multiples sur ce site. Donc c'est même pas une rénovation, c'est la reconstruction d'un centre d'une ville de 30 000 habitants a été conduite depuis le début des années 90 et se continue actuellement. Donc, et notamment avec la présence certes de bureaux, la présence de commerce, la présence d'un lycée, la présence de rues, d'allées, de places, de transports en commun, de lieux d'échange entre les transports, une ligne de bus rapide, et puis les places, et puis les commerces du centre, etc. Et puis les écoles, puisque l'école de l'architecture est là-bas. Donc en fait, la construction, la reconstruction d'un territoire complexe dans lequel la marche a sa place, dans toutes ses dimensions. L'utilisation aussi de... je ne rentrerai pas trop dans le détail, hein, mais dans les nouvelles opérations aussi, comme la Cité internationale, où on voit à la fois l'extension du parc de la Tête d'Or, la rue intérieure de la Cité internationale, et puis l'ouverture de la cité sur les fleuves, avec le long des fleuves, une promenade, qui n'a évidemment pas le même rôle. Bon, si je reprends quand même, je vais faire un petit commentaire là. Il y a de multiples rôles. Je ne rentrerai pas dans le détail, mais simplement de temps en temps pour vous dire que le sens qu'un lieu a, ses usages, ses fonctions, nous y sommes, enfin, dans le travail notamment de programme qu'on fait ou de commandes qu'on fait à des maîtres d'œuvre, de manière alors à dire ce qu'on en attend, ou ce que, et pas seul, y compris avec parfois des processus de concertation assez longs. Bon, je vais essayer de revenir en arrière, voilà. Le parc de la Tête d'Or a un sens qui est assez, qui est riche, mais qui est un. Ici, vous avez une rue intérieure qui a un autre sens, un autre usage. Je ne rentrerai pas dans le détail. Ici, vous avez un autre parc, qui est plus un parvis. Et puis, le long du Rhône, vous avez une promenade. Donc, chacune de ces strates a un sens, a un usage, a des fonctions. Et donc, tout ça est très complexe. Ce n'est pas la marche ou l'espace public comme une sorte d'entité unique. On verrait partout. Chaque lieu est différent. Donc on s'attache beaucoup, non pas à fixer des usages définitivement, ça c'est ça, heureusement on ne peut pas faire, et la ville et les gens et les pratiques se construisent sur un lieu, mais à favoriser justement l'apparition de cette construction. Et du coup, parfois on est assez déterminé dans le fait d'anticiper des pratiques, et puis parfois on laisse un lieu très ouvert, pour que justement ils se génèrent peu à peu. Alors on est loin de lieux comme ça, parce que les ingénieurs en question, je suis ingénieur, donc je ne vais pas cracher dessus, et les mêmes ingénieurs qui auparavant travaillaient sur les infrastructures travaillent aujourd'hui sur le développement urbain. Donc j'en suis fort aise, mais il y a une transformation, une translation des compétences qui est énorme pour moi. Et donc à cette époque-là, avant, ben voilà, quoi, on mettait du jaune pour donner un peu d'embellissement à quelque chose qui n'avait aucune âme. Et puis voilà, ça c'est très simple, c'est pas la forme ou la qualité des matériaux qui est importante, c'est ce lien le long du Rhône. Et puis des parcs, ici le parc de Gerland. Des lieux aussi, comme les nouvelles lignes de tram, dont vous connaissez bien à Grenoble, qui sont des lieux dans lesquels il y a négociation entre les voitures, il y en a plutôt beaucoup moins, les bus, les trams, et les piétons aussi, et les vélos. Aujourd'hui, une nouvelle logique s'est construite dans laquelle les trams sont à la mode. J'ai rien contre les trams, et j'ai pour les transports en commun. Mais je suis contre les modes. Donc les trams sont à la mode. J'espère bien qu'on en discutera après. Donc aujourd'hui, ce qui passe d'abord, c'est les trams, la largeur c'est-à-dire qu'au bout du compte, quand on a mis les trams, les quais, les rayons de giration, les voitures qu'il faut pour alimenter les commerces ou les résidents, voire la circulation, parce que le lobby des voitures est encore présent, plus les arbres, parce qu'il faut des arbres, parce qu'il y a aussi un lobby des arbres. Je suis pour les arbres. Excusez-moi, je suis pour les arbres. Je suis contre les lobbies. Il y a des gens qui ne défendent que leur entrée. Donc je suis contre le fait de dire, eh ben, on met des arbres sur un trottoir, même s'il est petit, parce qu'il faut des arbres. Et du coup, on se retrouve avec des trottoirs. Vous voyez, là, je ne dirais pas où c'est, hein. Mais je peux dire là aussi, je ne dirais pas non plus où c'est. Il y a des arbres, il y a des transports, il y a des trams, il y a des voitures, il y a du stationnement, et on en a besoin. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à comment? Quelle est la politesse qu'on peut faire entre un mode et un autre? On a besoin de vélos, parce qu'il faut les développer. Et les trottoirs, ils font 1m50. Et donc, si vous avez une caisse de tomates que l'épicier du coin met sur le trottoir, vous n'avez plus de place. Donc, vous ne pouvez pas vous croiser avec deux landaus, ou même de petites poussettes. Je sais bien qu'on n'est plus tellement landaus, à part à Copenhague. Mais vous ne pouvez pas vous croiser. Et puis, traverser aussi dans ce sens-là, je vais essayer de retrouver la souris, donc qu'importe. Perpendiculairement, c'est aussi une galère, vous traversez des couches. Donc, ce que je veux dire, c'est que, oui, il y a une transformation très importante pour moi de l'ingénierie, de la politique, des objectifs, de l'engagement de tous, mais au final, je ne suis pas sûr qu'on soit toujours... c'est-à-dire qu'au final, le piéton, pour autant, pour le coup, le marcheur... Et je ne suis pas un idéologue du marcheur. Je vais en vélo, en bus, en tout ça. Mais le marcheur, c'est celui qui est le moins constitué comme lobby, et c'est celui pour lequel il reste le moins de place. Et un trottoir de 1m50 sur une rue de 32 mètres, je sais de quoi je parle, mais je connais très bien les côtes, hein, je peux vous dire la largeur d'un truc de tram, etc. On peut vous dire... Donc moi, je me bats, par exemple, sur des trucs idiots, qui sont de dire, à une place de stationnement, ça fait 1m80. Et tout le monde me dit, mais non, c'est 2m20. Et c'est du truc complètement con, parce que, franchement, je ne fais pas rêver avec mes combats. Mais n'empêche que les 40 cm de chaque côté gagné, ça fait 80 cm. Et du coup, ça fait un trottoir qui n'est plus d'1m50, mais 1m90. Et tous ces combats-là, qui sont des combats un peu ridicules, et bien, au bout du compte, ils arrivent à établir une sorte d'équilibre. Si on veut vraiment être en confortable dans une boîte, lorsqu'on garde sa voiture, il faut peut-être 2m20. Mais avec un peu moins de confort, il suffit d'1m80. Et du coup, on aura du confort sur les trottoirs. Et puis, on a besoin de beaucoup de stationnement. On peut aussi en avoir besoin de moins. Et puis, il y a des politiques de transport. On ne peut pas avoir tout. Hein, donc, toutes ces choses-là... Ce que je pense aujourd'hui, c'est que tout ça, c'est de l'ordre de la négociation. Et à la fois, je pense que parfois, on n'est pas bon. C'est-à-dire, je ferai référence à... Je ne veux pas montrer d'image. Hein. Parfois, on est bon, comme là, ça c'est à Villeurbanne, donc je dirais où c'est. Hein, c'est une coproduction du Grand Lyon et de la ville de Villeurbanne, où à la fois, les trottoirs sont très vastes, vous avez des plantations, vous avez une grande fluidité en travers. En même temps, les voitures peuvent stationner ou pas, c'est pas vraiment conflictuel. Et puis tout ça a du confort, tout ça, il y a une sorte d'acceptation des modes les uns par rapport aux autres. Et puis tel qui est en voiture aujourd'hui, il sera quelques heures après piéton. Tout ça fonctionne de manière assez aimable. Donc ça, c'est un exemple de qualité que je trouve. Après, la qualité des matériaux, c'est pas très important. Oui, c'est mieux. Mais l'importance dans cet aménagement, c'est plutôt la largeur du trottoir pour moi. Et pourquoi vide? Bon, il y a un arbre, mais pourquoi le vide? Parce que le vide permet beaucoup de choses. Et puis quand on crée une rue, quand on crée un espace, il va bouger dans le temps, la vie bouge. Et puis les gens passent, les gens sont statiques, et puis ils bougent, ils vont d'un endroit à un autre. Et c'est tout ça qui... Le vide permet plus d'évolutivité, et permet plus de fluidité. Donc je suis plutôt pour le vide. Avant, lorsqu'on faisait un aménagement, ça fait 20 ans, on le remplissait de toutes les idées qu'on avait sur les usages de toutes les couches sociales. Et on mettait tout dans le même endroit. Et ça faisait des monstres. Et tout ça est produit par une concertation très attentive, très à l'écoute, où chacun demandait une partie, demandait son usage. Et vous vous retrouviez avec des trucs qui étaient complètement foireux, souvent. L'aménagement, c'est une négociation, il faut un projet, c'est pas l'accumulation des demandes, et à un moment donné, il faut avoir plusieurs hypothèses d'harmonisation entre des usages, entre des conflits, et donc il faut raboter un petit peu là, parfois c'est aussi de la politique, parce qu'on ne peut pas dire qu'on fait une ville qui fonctionne mieux, et puis qu'en même temps dans laquelle on vit mieux, si on fait rentrer encore plus de bagnoles. Donc à un moment, il faut dire, eh ben non, c'est comme ça, et c'est ça que je privilégie. Je donnerai un exemple tout à l'heure, que je développerai un peu. Le maire de Copenhague a décidé que, alors qu'aujourd'hui les vélos, les déplacements vélos sont à 30% du nombre de déplacements, ce qui est énorme, énorme. Je me souviens que ça fait 15 ans, à Lyon, pour passer de 3% à 4% d'usage des bus, l'investissement était en francs de 50 millions de francs. Ça voulait dire un travail sur les lignes de bus, sur le matériel, sur tout, c'était énorme. Donc quand on voit 30% de déplacements en vélo à Copenhague, le maire de Copenhague, Klaus Månkondam, veut passer de 30% à 40% dans les 5 ans à venir. Donc c'est un choix politique, c'est une décision politique. J'y reviendrai après, je passe un peu rapidement là-dessus. Donc on a appris tout ça, on a appris des choses, et on a fait des choses pas bien, des choses plutôt mieux, et aujourd'hui, je pense qu'on est en mesure, mais je pense que pratiquement la plupart des villes, même si dans certaines villes restent encore ces arriérés d'histoire où la technique c'est ça qui prime, et je pense que ça a fait beaucoup de mal, moi je lutte depuis 20 ans contre ça, et maintenant il y a beaucoup, notamment des jeunes, mais le personnel, ça paraît peut-être un peu... Je vous raconte mon histoire, je ne raconte pas la vôtre. Hein. Mon histoire, elle est faite de conflits avec des gens qui savaient, quand on arrivait à un endroit, et qui savaient qu'un rayon de giration, c'était ça, qui savaient qu'il fallait autant de bagnoles que ça, qui savaient qu'il fallait un rond-point, qui savaient ceci, qui savaient cela. Aujourd'hui, je vois, après 15 ans, qu'il y a des gens qui sont à l'écoute, qui savent conduire des projets, qui savent écouter des logiques différentes, qui savent passer les commandes à des architectes, qui savent faire de la concertation, qui savent ne pas aussi rentrer dans les pièges de la concertation qui serait de concerter sans faire. Et donc aujourd'hui, il y a une transformation des savoirs dans les villes qui est considérable. Et donc je suis très optimiste, même si le reste des vieilles habitudes qui traînent encore de ci de là. Mais bon, je suis en ça très optimiste. Point de vue politique, qui est celui du tribunal, qui est des pires, sur la rive gauche du Rhône, on supprime les voitures. Et on fait de ce lien, marche, mais aussi, donc c'est un lien sur 5 km, depuis le nord jusqu'au sud de l'agglomération lyonnaise, et c'est en même temps un lien perpendiculaire, puisqu'il alimente en quelque sorte les quartiers qui le jouxtent. On est passé de ça, avec un travail sur l'organisation du stationnement, sur... la concertation avec les quartiers, sur ce qui, dans un lieu comme ça, est une fonction linéaire, comme on voit une promenade véhicule, vélo, ou des promenades piétonnes, puisque sont des usages plus locaux, avec des jeux, avec des amphithéâtres, mais tout ça dans une unité, avec un projet qui a été conçu par l'agence in situ, une maîtrise d'ouvrage donc de Jean-Louis Azéma au Grand Lyon. Donc tout un professionnalisme qui s'est mis au service du choix politique et qui a conduit à ce qui pour moi est une immense valeur aujourd'hui de Lyon qui aurait été... c'était pas pensable, ça fait 15 ans, c'était pas pensable. Et aujourd'hui je suis très content de voir que ce qui n'était pas pensable est devenu. Et puis on travaille aussi de la même manière la nuit, donc notamment le nouveau plan lumière s'intéresse au parcours, il s'intéresse aux lieux, mais il s'intéresse aussi au territoire, donc on l'a travaillé par territoire, en même temps qu'on le travaille à l'échelle de Lyon, et on travaille non seulement les lieux vides ou pleins, tels que les monuments, sur lesquels on s'est un peu calmé, mais on travaille aussi la vie quotidienne, la vie d'aujourd'hui, et qui n'est pas simplement de célébrer la mairie ou l'église du quartier, et on travaille aussi les parcours. Donc la lumière aussi est un élément de ce travail sur les déplacements, et puis on expérimente de nouvelles manières de traiter l'aménagement, le parcours, comme ici le Festival des Jardins de Rue, où je passe rapidement, comment en implantant des carrés de jardin de 5 mètres sur 5 mètres, on crée une piste cyclable, un grand trottoir, et on transforme l'ambiance d'un quartier très vite et à pas grand frais, en attendant dans l'avenir de complètement transformer ces rues avec des grands trottoirs, etc. Donc c'est un travail provisoire, temporaire, mais qui est à notre disposition, qu'on a monté, et on a fait intervenir des artistes, ce qui, tous les deux ans, a constitué un festival. Et puis, alors que je passe d'une ville à l'autre, Saint-Étienne, notre mode d'action, on a travaillé aussi sur le centre, qui était traversé par des voitures dans tous les sens. Dans la mesure de la densité, d'ailleurs, du plan urbain de Dalgabio, avec des rues très étroites, donc beaucoup de pollution, pas d'espace de proximité, des voitures. Enfin. Donc, naturellement, travailler sur le centre, c'est conflit. Je vous passe toutes les discussions sur la réorganisation du centre, de manière à renvoyer plutôt les voitures à l'extérieur, organiser l'accessibilité au commerce, aux résidents, etc. Ce qui est la vie, je ne crois pas aux villes piétonnes. Je crois à quelques quartiers piétons dans quelques conditions. Mais dans tous les cas, la ville, elle est faite de tous les modes de déplacement d'aujourd'hui et on est dans des équilibres qui sont toujours contextuels, qui ne sont pas forcément éternels d'ailleurs, sur des territoires. Donc le centre a été, on en a diminué la circulation en finissant un boulevard urbain, deux fois deux voies, et puis des parkings à l'extérieur. Et puis on a mis en site propre le tram, réaménagé la grande plage centrale. Et puis un autre exemple, c'est que comme il y a beaucoup d'énergie à Saint-Étienne, mais pas beaucoup d'argent. Et donc, quand on ne pouvait pas réaménager les lieux en entier, ben on a simplement agrandi un trottoir, un endroit, agrandi des rues, de manière à rendre plus confortables les lieux, la marche. Donc j'en reviens toujours à cette question du confort. Donc là, il n'y avait pas de trottoir, il faisait 1,50 m avant, ben là il fait 5 mètres. Et d'ici 5 ans, on va réaménager complètement la place sur laquelle ce trottoir se situe, mais il aura joué pendant 8 ans un rôle pour la marche, pour le confort de la ville. Et je crois au projet temporaire aussi, parce qu'on n'est pas obligé de toujours faire un neuf. En revanche, je suis très intéressé aussi aujourd'hui par l'efficacité de ce qu'on fait en un temps court, pas forcément dans une remise à neuf, mais dans une amélioration du confort. Donc en utilisant tout un tas de méthodes d'aménagement différentes. Bon, et puis simplement un clin d'œil, là où à Lyon on a travaillé beaucoup avec des paysagistes, des architectes, ou des urbanistes, à Saint-Étienne, j'ai monté un atelier de jeunes créateurs, donc qui viennent de l'école d'archi et de l'école des beaux-arts, et sous mon parrainage, en quelque sorte, et il crée les espaces de Saint-Étienne. Quelques exemples à Saint-Étienne aussi, un projet urbain, et puis des territoires de projet privilégiés, je vais revenir en arrière, où on relie des lieux, j'ai un problème avec ma souris, entre par exemple ici la gare de Château-Creux, et puis le centre qui est, je vais peut-être me lever, entre la gare de Château-Creux et le centre, une nouvelle ligne de tram qui vient d'être terminée, et puis une multitude d'actions de manière à épaissir à tenir compte de la densité ou de l'intensité de ce qui se passe autour. Parfois il y a des lieux qui sont des lieux de rassemblement, des grandes places, et puis parfois il y a des lieux qui sont plus des quartiers résidentiels, et puis parfois ça s'ouvre, parfois c'est plutôt une vie apaisée, et puis parfois une vie très dense. Et en fait, le travail qu'on conduit et la programmation des actions, je vous le montrerai ensuite sur Copenhague, elle est aussi liée au fait d'essayer de favoriser cette sorte d'intensité urbaine, en apaisant parfois et en augmentant dans d'autres cas. Sachant que l'intensité, on la voit sur l'économique, le commercial, le piéton, les déplacements doux, les déplacements en bus, les échanges entre personnes, les échanges culturels, la valeur des lieux, mais on ne la voit pas comme un endroit où on intensifie la circulation automobile. C'est bien une intensité qui est assez complexe, qui n'est jamais la même d'ailleurs, mais j'aime bien cette idée d'intensité qui me vient d'un des objectifs du SCOT de pleine commune. Donc je ne l'ai pas inventé, hein, et je l'ai reprise et je la trouve très intéressante. Et on voit par exemple ici, sur un site qui va du centre de Saint-Étienne jusqu'au musée de la mine, ici, donc le centre de Saint-Étienne, c'est tout ça. La ligne de tram vient ici, donc on a épaissi en fait l'intensité urbaine de ici en favorisant les commerces avec des espaces plus vastes, des grands trottoirs, etc. Une accessibilité plus simple. Et puis par un jeu de rues et de petites places, on conduit au site du musée de la mine sur lequel on a lancé un marché de définition, mais dont on souhaite dans l'avenir qu'il devienne un des grands lieux importants sur le plan culturel, mais pas que, de Saint-Étienne. Et donc c'est une sorte de conjonction d'actions à des niveaux différents. Et donc un exemple, c'est celui-ci, où sur ce site qui était auparavant une décharge, donc c'est dans le site du musée de la mine, eh bien, avec un coût extrêmement bas, on a tout nettoyé, on a fait une grande pelouse, et en même temps qu'on a lancé un marché de définition pour intensifier les activités sur ce site, faire un parc plus fort, plus emblématique, plus attractif, et bien en même temps, on a ouvert cette grande pelouse qui est d'un usage tout de suite. Et en même temps, on a construit une programmation avec les associations, avec la direction de la culture, les fêtes, etc. Donc, ouvrir ce lieu tout de suite, sans attendre. Je vais essayer d'aller un petit peu plus vite. Donc, des modes d'action qui sont à chaque fois différents. Alors, naturellement, avec des grands projets, comme auparavant la Cité du Design ou le Zénith, qui sont en cours de construction. Et puis, quelque chose qui m'est très cher, par exemple, la Plaine des Parcs. C'est un site, un grand site sur d'anciens terrains industriels qui ont été vidés. Aujourd'hui, le stade Geoffroy-Guichard se situe dessus. La Cité du Design est en construction, le parc des expositions, et puis le Zénith, je disais. Et en fait, à l'occasion de ces grands projets, à chaque fois, on essaie de faire le lien entre eux. On appelle ça la Plaine des Parcs parce que l'idée est de s'appuyer sur... Ce n'est pas un parc comme le parc de la Tête d'Or ou les parcs d'autres parcs. C'est comment on met en réseau ces grandes valeurs, ces grands équipements par des grands chemins, par des grands mailles, pour reprendre les propos de monsieur, par des grandes connexions, je ne sais pas quoi, de manière à ce que tout ça fonctionne ensemble. Ça peut être aussi bien le dimanche après-midi, qu'on puisse aller s'y balader, qu'un jour de grand spectacle, où on se gare au parking du Zénith pour aller voir un match de foot au stade Geoffroy-Guichard. C'est-à-dire que tout ça, du coup, devient un lieu de multiples usages et d'échanges. Et ça conduit au fait de choses très simples, comme par exemple ces grands chemins vides qui parfois s'élargissent, parfois sont assez étroits, mais mettent en réseau donc ces lieux. Autre exemple rapidement, celui de Saint-Denis, donc je suis conseiller de Saint-Denis. Je suis conseiller du maire de Saint-Étienne depuis 10 ans et de Saint-Denis depuis 6 ans, et on est en train de terminer. En fait, urbaniste du centre-ville de Saint-Denis. On est en train d'achever la réorganisation du centre, et puis en même temps, le conseil pour le pôle gare de Saint-Denis, qui est un des grands développements de pleine commune. Et donc, le centre de Saint-Denis, c'est 110 hectares. C'était un endroit très commerçant depuis des siècles et des siècles, une vieille histoire. En même temps, un lieu. Saint-Denis, c'est 85 000 habitants, le grand stade, des quartiers de grands ensembles, des industries qui sont parties, de grands développements au sud sur la plaine, Et puis sur le centre, en même temps, donc, beaucoup d'habitat indigne, donc des choses très négatives, beaucoup de squats, et en même temps, beaucoup de qualité. Une vie sociale très intense. La basilique, la ZAC basilique qui a été conçue dans les années 80. Beaucoup d'équipements, des espaces verts, mais qui n'en étaient plus. Des rues commerçantes qui fonctionnaient, qui étaient en grande difficulté du fait de la congestion du centre. Beaucoup de pollution, pas d'espace de proximité. Bon, je ne rentre pas dans le détail, mais on a lancé donc, à partir de la fin de l'année 2000, un projet urbain, donc que j'ai eu à conduire, qui était la réorganisation du centre de manière à le rendre plus agréable, plus apaisé, qui soit plus accessible, notamment pour le commerce, mais aussi pour les touristes, pour les visiteurs, qui favorise la vie résidentielle, qui favorise le rôle des grands équipements, notamment culturels, qui soit plus vert, plus agréable, que les rues soient plus apaisées, etc. Donc plusieurs grands objectifs, et à partir de ça, donc, vous voyez, la vie de Saint-Denis, c'était, et c'est toujours, donc le centre, la basilique, lieu touristique, ici les sans-papiers, le marché, 30 000 personnes le dimanche matin, 300 camions qui arrivent en 1h30, entre 5h et 6h30 le matin, pour alimenter les commerces. Donc ce n'est pas un petit lieu paisible avec des petites fleurs, comme je le disais tout à l'heure, c'est un lieu très intense. Donc le travail sur le centre a conduit à une réorganisation de l'accessibilité en s'appuyant et en les rénovant sur des parkings existants à l'extérieur, en s'appuyant sur le boulevard urbain qui existait déjà, et puis en organisant l'accessibilité au centre de manière très contrôlée. Je n'entre pas dans le détail. J'ai proposé plusieurs scénarios qui étaient liés à l'espace public induisant des fonctions. Alors, prenant en compte les fonctions existantes et induisant les évolutions des fonctions. Et par exemple, j'avais proposé notamment deux grands scénarios qui étaient l'un, une grande scène urbaine, c'est-à-dire où toutes les fonctions se font sur un espace piéton, donc sur les 110 hectares du centre, les voitures restant à l'extérieur, et les bus se réorganisant dans la mesure où le tram et le métro sont au centre. Et puis une autre option qui était les voitures continuaient à le traverser, mais simplement de manière complètement marginale. Et puis de la concertation qui a été menée, et qui a pris quelques mois, 6 mois, est née une troisième option, qui était un centre bus piéton. Et c'est la première fois que la RATP a fait ça sur l'agglomération parisienne. Ils ont un peu tiqué, mais aujourd'hui, le centre-ville de Saint-Denis est bus piéton. Et pourquoi ? Parce que beaucoup de gens sont pauvres, beaucoup de gens viennent soit à pied, soit en transport en commun. Et ça aurait beaucoup pénalisé les gens qui habitaient dans le nord et qui allaient travailler dans le sud, que de leur faire faire le tour par le boulevard urbain, et ça aurait pénalisé leur accessibilité au centre. Donc, pour des raisons sociales, politiques et urbaines, la décision a été prise par les élus de cette façon. Et puis ensuite, je passe assez vite, mais donc beaucoup de concertations, des assises, enfin nature, un projet, 8 objectifs et enfin, un projet urbain, 8 grands objectifs et 43 projets. C'est aussi bien la rénovation des parkings avec une délégation de services publics, l'aménagement des grandes places, des rues, ici les travaux en cours qui sont achevés depuis quelques jours, l'aménagement d'un grand square ici qui vient d'être achevé, les rues qui sont devenues bus piéton. Vous voyez que la vie elle est intense. Hein. Et le centre accueille encore plus de gens aujourd'hui. Le nombre de voitures, on n'a pas enlevé les voitures du centre. C'est-à-dire qu'il y a un phénomène, on a distribué des cartes pour ceux qui utilisent le centre avec un système de bornes. Tous les gens, tous les résidents ont été reçus, les commerçants aussi. Donc la ville a rencontré plus de 900 personnes et elle a distribué des cartes à ceux qui le nécessitaient, prouvaient qu'ils en avaient besoin. Et il y a un système de cartes, ils ont le droit de rentrer entre telle heure et telle heure, enfin un truc assez sophistiqué. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour renforcer ces activités, notamment commerciales ou culturelles ou sociales ou touristiques, pour favoriser l'apaisement avec une vie plutôt orientée sur les bus, les piétons, les vélos. Eh bien, outre les parkings en périphérie, le métro et ces choses-là, il y a un système de bornes qui, au fond, régule la vie sociale et l'activité du centre. C'est-à-dire que les horaires, qui a droit à quelque chose, à quelle heure, tout ça, c'est tout ce que constitue l'activité du centre. Donc, c'était le seul moyen, au fond, pour arriver à trouver ce centre où tout coexiste sans qu'il y ait conflit, enfin sans qu'il y ait trop de conflits, parce que je peux vous dire qu'il y en a beaucoup, mais d'autres ordres, et qui font aussi la vie d'un endroit comme ça, c'était le seul moyen d'arriver à ne pas, appauvrir le centre, à ne pas le refermer sur lui-même, mais au contraire lui permettre de continuer à être un endroit très actif et très attractif. Donc voilà la place du marché, avec un jour de marché aujourd'hui. On a réaménagé la halle, par exemple, enfin, 43 projets qui touchent aussi bien à la culture, à la vie sociale. On est en train de faire un centre d'interprétation du patrimoine, au commerce, aux espaces publics, au transport en commun, etc. Ici, une rue piétonne avec la halle rénovée. Vous voyez de nouveau la halle rénovée. Et puis, il y a un gros travail qui a accompagné tout ça, de la communication, de manière à en continu. Et j'y reviendrai après pour Copenhague, essayer de faire comprendre des phénomènes complexes à un maximum de gens, même si on ne touche pas tout le monde, il ne faut pas rêver, à un maximum de gens, c'est-à-dire transmettre de manière à ce qu'on discute de la même chose. L'idée, ce n'est pas d'avoir des documents extrêmement compliqués qui mettent à distance les gens ou qui leur font acquiescer sur des choses qu'ils n'auront pas comprises. De toute façon, on les retrouvera derrière. Donc l'idée, c'est de faire un travail sur ce métier compliqué qui est l'urbanisme ou la transformation urbaine, hein, un travail de pédagogie pour qu'on parle de la même chose. Pédagogie dans les deux sens d'ailleurs. Et puis donc beaucoup d'activités autour du... Je vais redire quelque chose quand même un petit peu avant. Depuis plusieurs années, une programmation faite avec la direction de la culture et puis la direction de l'archéologie, de manière à ce qu'on anticipe puis on accompagne les usages du centre. Donc les directions des diverses administrations de la ville et de pleine commune ont anticipé la transformation du centre et aussi en termes de gestion. J'en ai pas parlé auparavant, mais la gestion de l'espace public est aussi importante que la création de l'espace public. C'est-à-dire créer un lieu qu'on ne gère pas derrière, c'est... faut pas faire, quoi. Comment vous le dire? Si c'est dégueulasse, si on ne remplace pas un banc qui est cassé, si on ne remplace pas une ampoule, si un arbre qui est dont une branche est cassée, on ne le remplace pas. L'espace urbain est dur, la marche c'est dur, la rencontre c'est dur. Alors, toutes les villes ne sont pas des villes apaisées. Et Saint-Denis est une ville d'accueil, il y a plus de 70 origines dans Saint-Denis. C'est pas un centre-ville apaisé, c'est pas un centre-ville léger. Les conflits, il en reste beaucoup. Et l'engagement et le travail sur la gestion sont fondamentaux pour que ce qui a été fait se poursuive. C'est-à-dire qu'il fallait transformer, mais il faut gérer derrière, et c'est pas que gérer les espaces, c'est gérer la société urbaine. C'est donc s'attacher à ce qu'elle vive plutôt mieux, à ce qu'on en apaise les conflits. Donc quand je dis gestion, ce n'est pas simplement balayer. Alors je reviens une dernière fois sur cette image. Tout à l'heure, j'ai parlé de gentrification. Je pense que dans la plupart des cas, le travail sur l'espace urbain qui a pour objectif d'apaiser une ville, qui est un objectif normal, la rendre plus calme, ce qui est normal, la faire mieux fonctionner, c'est normal. Que les gens y soient mieux, c'est bien. Simplement, travailler sur un centre, notamment, ça conduit à une augmentation des prix, et c'est déjà le cas à Saint-Denis, c'est le cas à Lyon, c'est le cas à Saint-Étienne, c'est le cas dans toutes les villes, et ça conduit au fait qu'un équilibre ou un déséquilibre social soit mis en cause, soit s'aggrave. Et il n'y a pas des tonnes de solutions. Simplement, il faut s'y attacher et essayer de manier toutes les solutions ensemble. Et sur le centre de Saint-Denis, si les élus ont voulu absolument un haut niveau de qualité sur le centre et sur tout ce qui a été fait, en même temps, je n'oublie pas que dans les années 80, ils ont construit le quartier de la Zac-Basilique avec 80% de logement social dans le centre. Ce qui était très courageux à cette époque, ce qui correspondait à une politique. Je ne dis pas que tout le monde doit avoir cette politique, c'était la politique des élus de Saint-Denis à cette époque, qui conduisent d'ailleurs, qui poursuivent aujourd'hui, et notamment Patrick Brunzek et Didier Bayard. Et grâce à ces 80% de logements sociaux dans le centre, aujourd'hui les augmentations de prix générées par le travail qu'on a fait sur le centre peuvent être assimilées, assumées. Mais je ne suis pas naïf en disant ça, parce que je vais y revenir tout à l'heure sur l'Amérique latine. La question se pose partout. Je passe rapidement sur pleine commune. Je me suis occupé de la partie paysage et espace public du SCOT de pleine commune, sur une commande de pleine commune. Et en fait, c'est une ville, bon, je passe, je rentrerai pas dans le détail, c'est un territoire de 9 communes avec la Courneuve, Aubervilliers, Saint-Denis, Ville-Tanneuse, etc. Avec beaucoup de difficultés, en même temps beaucoup de qualités. Et puis, une des difficultés, donc c'est peut-être là-dessus que je vais me concentrer, c'est un territoire de coupure. Parce que la première couronne de Paris, c'est un peu... bon, moi j'ai Paris, donc je ne vais pas cracher dans la soupe, hein, mais c'est l'histoire qui a construit ça, il ne faut surtout pas la répéter aujourd'hui. La première couronne de Paris, c'est un territoire où il y avait les poubelles de Paris, où il y avait les autoroutes qui arrivaient à Paris, les lignes de chemin de fer qui arrivent à Paris, etc. Donc ces territoires de couronne, et notamment ce territoire de pleine commune, a été massacré. Déjà qu'il a vécu les difficultés industrielles, les transformations industrielles des années 70 et avant. En plus, il avait déjà, il a l'autoroute A1, l'autoroute A86, d'énormes emprises ferroviaires, enfin, tout un tas de choses dans le sud, les incinérateurs de Paris. C'est-à-dire que ce sont des lieux qui sont sur eux-mêmes, mais qui sont aussi traversés par des logiques qui leur échappent. Et notamment physiquement, c'est un territoire qui est fait de coupures. Vous avez des quartiers qui ont une certaine qualité, parfois de très bonne qualité, puis vous avez des coupures dans tous les sens, à la fois dans les rues, parce que les voitures ont été privilégiées comme partout ailleurs, donc c'est pas singulier. Mais en même temps, le territoire, avec des autoroutes, avec des emprises ferroviaires, et quand vous êtes à un endroit, vous ne pouvez pas aller à un autre. Donc, une des entrées, mais je ne rentrerai pas dans le détail, hein, une des entrées du SCOT, des propositions du SCOT qu'on a faites, d'ailleurs, j'ai travaillé à cette occasion avec Chris Lunes, qui est une ethnologue, anthropologue. Un exemple de ce qui a été fait, c'est la couverture de l'autoroute A1, et où on voit que ce qui était coupure, donc ça, c'est pas moi, hein, c'est pleine commune, c'était même Saint-Denis, c'était Patrick Brauzek, le maire, qui avait négocié ça, et qu'on couvre l'autoroute A1 en même temps que le stade, le grand stade, était implanté à Saint-Denis. Et donc on est passé d'une autoroute qui coupe à un grand site qui lie aujourd'hui. Et en fait, les grands axes, je ne rentre pas dans le détail des propositions du SCOT, mais une des propositions, c'est de refaire lien dans ce territoire. Et un exemple, c'est l'avenue de Stalingrad au nord de Saint-Denis, entre Saint-Denis, Ville-Tanneuse et Perfitte, où la proposition que je fais est assez catégorique. Là où il y a une 2x4 voies, eh bien c'est de supprimer au minimum deux voies, et au minimum, et de refaire lien tout de suite, sans forcément des travaux, mais en supprimant de manière très simple tout de suite des voies, pour qu'on refasse lien, et après l'organisation que l'organisation de l'accessibilité en bagnole s'organise à partir de ce lieu qui deviendrait lien. Et il deviendrait lien entre la cité de Stein, entre les quartiers nord de Saint-Denis, l'université, enfin, etc. Alors qu'aujourd'hui, c'est une coupure énorme. Un autre exemple, c'est le carrefour des 7 routes, ou 6 routes, à la Courneuve, et où là, une bretelle d'accès au parc de la Courneuve coupe en fait le lien entre les 4000 et le parc de la Courneuve. avec une autoroute entre les deux. Et j'ai proposé qu'on supprime une des bretelles d'accès pour que cette bretelle devienne un mail tout de suite, simplement en la coupant, entre les gens de la Courneuve et le parc de la Courneuve. Aujourd'hui, ils n'ont pas accès au parc. Alors, je ne rentre plus dans le détail. Copenhague, rapidement. On a travaillé ce qu'on a appelé le Copenhagen Urban Space Action Plan, c'est-à-dire on a coordonné, en fait, sur tous les quartiers et à l'échelle de la ville, tous les projets en cours, et on les a reliés, y compris avec les projets, je veux dire, la politique de stationnement, la politique de transport en commun avec les métros, la politique de revitalisation des commerces, des quartiers résidentiels, la création, par exemple, d'une grande plage qui n'est pas sur la photo, mais qui est absolument magnifique. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est sur chaque quartier, une mise en réseau de toutes les valeurs, soit existantes, soit à venir de ces quartiers, de manière à ce qu'on puisse, de manière simple, très rapidement, les mettre en lien. Donc c'est parfois par un trottoir élargi, parfois c'est par la mise en site en sens unique d'une rue, c'est-à-dire de manière à se rendre plus confortable et relier toutes les valeurs d'un territoire. Et quand je parlais tout à l'heure d'intensité, c'est aussi toutes les intensités d'un territoire. Autour de ce lieu-là, par exemple de ce métro, il y a un centre commercial et puis une rue commerçante. C'est une des intensités de ce quartier qui s'appelle Amar. Ici, vous avez une grande plage nouvelle qui, l'été, elle a reçu l'été dernier 2 millions de personnes, donc c'est devenu un succès fou. Et puis entre, vous avez beaucoup de quartiers qui ont des valeurs différentes, et c'est de relier tout ça de manière à ce qu'on vive dans sa ville et qu'on ait un confort et un usage de la ville beaucoup plus aisé. Et puis avec des grands projets comme celui-là qui s'appelle Sunny Boulevard, et puis aussi des petits projets, vous voyez en haut, des manières très simples, des manières très simples de réaménager un lieu sans forcément le transformer, mais de le faire de manière provisoire, comme Prague's Boulevard. Et puis vous voyez comment, ça c'est un travail qui m'est très cher, comment on donne la valeur, comment on essaie d'exprimer toujours cette histoire de pédagogie, d'exprimer la valeur, l'intensité d'un quartier, de manière à ce qu'on comprenne qu'on n'est pas simplement dans son lieu, mais qu'on est dans un territoire plus vaste, et puis que tous ceux qui bossent dans un quartier comme ça se disent que il faut, au lieu de faire un truc à un endroit, un truc à un autre, et qui souvent se contredisent, ils travaillent ensemble de manière à eux aussi construire une priorité. Et puis, sur ce grand site qui s'appelle Noam, actuellement, c'est un grand site de développement. Par exemple, dans le cahier des charges de ce développement, l'unique des idées de base, c'est 30% de déplacement en vélo. Ce n'est pas de dire on va construire 3 autoroutes pour y avoir accès, et puis ceci, puis cela. En effet, il va falloir renforcer l'accessibilité en voiture, mais en même temps, c'est la construction d'une accessibilité qui est autour aussi du piéton et du vélo. Pour terminer, je suis très intéressé par... je vais maintenant assez fréquemment en Amérique latine, ici à Barranquilla, en Colombie, et où les questions d'aménagement peuvent être traitées... Enfin, aujourd'hui, c'est quand même un peu le bordel. Donc, alors si on regarde ça, puis qu'on se dit qu'est-ce qu'on a... D'abord, nous, on n'est jamais que des pions. Il y a des vies sociales, il y a des compétences, il y a des hommes politiques ou des femmes, d'ailleurs beaucoup de femmes. Il y a des archis, il y a des techniciens, il y a tout ça, il y a des commerçants. Donc on ne va pas arriver avec la bonne parole. Donc au début, j'étais un peu perdu. Et puis en même temps, je me suis aperçu, travaillant, pas mal de fois là-bas, que peu à peu, par des choses très simples... Je vais en montrer quelques exemples ici à Saint-Domingue. Il n'y a pas de trottoir, les poubelles sont au pied des arbres, les bagnoles sont partout. Et il n'y a pas d'argent. Enfin, il n'y a pas d'argent public. Mais par exemple, il y a de l'argent privé parfois. Et là, par exemple, il y a une entreprise d'électricité qui va enterrer les câbles. Donc à cette occasion, j'ai proposé qu'on élargisse les trottoirs, qu'on enterre les câbles sous le trottoir et que ce soit l'entreprise privée qui paye les trottoirs. Et que nous, derrière, on réorganise la circulation, l'accès, le stationnement, de manière très simple. Tout ça est très simple. Il n'y a pas des projets très compliqués. Si on pouvait, on le ferait. Mais en tout cas, des choses aussi simples que ça, elles mobilisent les techniciens, elles mobilisent les professionnels, elles mobilisent l'argent, elles mobilisent les gens qui habitent là, parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Et puis, elles mobilisent la politique. Et c'est très important que la politique s'investisse du confort de l'urbain. Et ce n'est pas toujours le cas. Un autre cas, ici, c'est à Barquisimeto, au Venezuela. En même temps, bon, ça c'est dans des bidonvilles, en même temps, il y a un maire qui est un peu habité, je dirais, qui tous les jours est dans un quartier différent. Moi, il m'impressionne, il m'a beaucoup impressionné, parce que par rapport à notre boulot qui est assez sophistiqué, lui, il a pris une entrée. En même temps, il y a des grands projets à Barquisimeto. Et puis en même temps, il a pris une entrée qui est très concrète, mais c'est du concret concret. Il arrive tous les jours dans un quartier différent pendant 3 mois. Il arrive avec des médecins, avec des gens qui, avec des techniciens de l'éclairage public qui changent les lampes. Les médecins vaccinent les gens, ils soignent les personnes qui sont malades. Il arrive avec des chaises roulantes pour donner des chaises roulantes à ceux qui n'en ont pas. C'est-à-dire que pendant une journée, et en plus ils couchent là. Et vous avez des gens derrière qui courent, c'est un truc complètement fou. À la fois, vous avez des centaines de personnes autour de lui, et puis vous avez les fonctionnaires et les techniciens qui courent derrière pour faire tout ce qu'ils doivent faire. Et je n'ai jamais vu ça. C'est-à-dire que, je ne dis pas qu'il faut faire ça, mais pour moi, ça va. Je pense que ce n'est pas forcément une mauvaise idée. On pourrait dire que c'est démagogique, que c'est Chavez. Ce n'est pas que ça. C'est facile d'ici de dire que c'est démagogique ou que c'est des conneries, mais quand on voit les difficultés là-bas, il y a de quoi nous aussi devenir un peu modestes. Et je prendrai pour finir deux images. Celle-là où on a au dernier moment, alors que des voitures devaient passer en double sens ici, dans un bidonville sans trottoir, et bien, j'ai réussi à convaincre le maire de mettre qu'une file de circulation et de faire des grands trottoirs. Et en fait, on a dessiné les trottoirs sur le site. Et on a implanté des arbres sur le site. Je ne fais jamais ça ici, hein. Mais on l'a fait là-bas avec la directrice de la voirie, avec les techniciens, l'entreprise. Et pour moi, c'est absolument passionnant. Et ça, c'est un autre exemple à Saint-Domingue. Vous avez devant, un contre-exemple. Devant, vous avez l'endroit où est arrivé Christophe Colomb, la maison de Christophe Colomb, et derrière, un autre bidonville. Et en fait, comme les touristes ne passent que devant, on a mis un mur dans la rue, on l'a peint en blanc, de manière à ce que les gens n'aient pas l'impression qu'il y a une rue, les touristes, et qu'ils ne voient pas ce qu'il y avait derrière. Donc si vous voulez, d'un côté, vous avez une entrée sur l'aménagement de l'espace, sur la politique, sur la morale, je dirais. Et puis d'une autre, vous avez un autre exemple. Et tout ça, voilà, l'urbanisme n'est pas c'est pas quelque chose de consensuel. Merci de votre écoute.